selon l'Esprit de Dieu. Crucifions les œuvres de la chair, recherchons la sainteté. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons selon l'Esprit de Dieu. Crucifions les œuvres de la chair, bien-aimés, recherchons la sainteté. Recherchons le fruit de l'Esprit, bien-aimé, il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et puis encore, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors bien-aimé, de la chair, recherchons la sainteté. Si nous vivons par l'Esprit, bien-aimé, marchons selon l'Esprit de Dieu. Crucifions les œuvres de la chair, recherchons la sainteté. Recherchons le fruit de l'Esprit, bien-aimé, il se trouve dans Galates 5. Si tu veux les connaître, l'amour, oui, la joie, tu peux les citer, la bénédiction, la fidélité, et encore, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors bien-aimé, convertis-toi. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu s'affectionnent aux choses de l'Esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, mon bien-aimé, et l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit de Dieu. Crucifions les œuvres de la chair, recherchons la sainteté. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons selon l'Esprit de Dieu. Crucifions les œuvres de la chair, bien-aimés, recherchons la sainteté. Recherchons le fruit de l'Esprit, bien-aimés, qui se trouve